Je dois consulter un médecin agréé pour continuer à conduire si je deviens gravement diabétique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je perds la vision d'un œil. Oui, réponse C. Non, réponse D.